Acheter, c'est comme... Comprar. Comprar. Et je dois l'acheter. Littéralement, je dois acheter le... Tengo que comprar... L'acheter. Tengo que... Tengo que... Tengo que comprar lo. Le lo est à coller au verbe. Donc, acheter, c'est... Comprar. Comprar. Et l'acheter, c'est comprar... Ah oui, comprar lo. Comprar lo. Hein, d'accord. Donc, vous ne direz pas comprar lo, mais comprarlo. Hein, c'est ça. Tengo que comprarlo. Je dois l'acheter. Tengo que comprarlo. Mais je ne peux pas l'acheter parce que c'est très cher. Pero. Pero, je ne peux pas l'acheter. No. No puedo. D'accord. No puedo l'acheter. Comme parlo. Comprarlo. Ah oui. Comprarlo. D'accord. Comprarlo. Parce que c'est très cher. Porque. C'est très cher. Est-ce muy? Muy, oui. Cher, c'est très cher. Est-ce muy caro? Bien. Porque es muy caro. Parce que c'est très cher. Porque es muy caro. Donc, encore une fois, je ne peux pas l'acheter. No puedo comprarlo. Je ne peux pas l'acheter parce que c'est très cher. No puedo comprarlo. Porque es muy caro.